Je vous en parlais en début d'émission, c'est une grosse nouvelle qui est tombée dans la dernière heure. Radio-Canada qui annonce la mort de son ancien journaliste sportif Lionel Duval. Et on va en parler de ça et de d'autres sujets d'actualité avec notre chroniqueur qui est là tous les vendredis. Très content de pouvoir compter sur lui. Patrick White, rédacteur en chef Huffington Post Québec. Bonjour Patrick. Oh, ok, là je crois qu'on peut t'entendre. Patrick, t'es là? Oui. Excellent, on t'entend bien. Alors oui, décès de Lionel Duval qui vient toucher beaucoup le public parce que M. Duval était quelqu'un de très apprécié, là. Ben écoute, c'est lui qui animait la soirée du hockey, qui était vraiment une religion au Québec dans les années 70, 80, même 90, avant la fin, je crois, en 2002, là, quand ça a été aboli par Radio-Canada. Donc c'était M. Duval était une véritable institution, quelqu'un qui cultivait la qualité de la langue française en compagnie de René Le Cavalier, Richard Garneau, Gilles Tremblay, un quatuor qui a connu des voyages incroyables à suivre le Canadien de Montréal, 82 matchs par année, et les conquêtes de la Coupe Stanley dans les années 70, 80 et en 93. Donc, un grand communicateur sportif qui est décédé ce matin à Boucherville à l'âge de 83 ans. Lionel Duval, qui avait pris sa retraite de Radio-Canada en 1993, l'année de ma naissance, je vous le cache pas. Donc, c'est sûr que moi, je l'ai moins bien connu, mais son travail demeure quand même un exemple et une inspiration, je pense, pour bien des journalistes qui l'ont suivi. Oui, pour la qualité du français surtout, je dirais. Oui, et ça, on a l'impression que ça se perd un peu de nos jours. Patrick, on aime jaser politique ensemble, alors ça fera pas exception aujourd'hui. Ça a été une semaine difficile, là. Même, ça fait 2-3 semaines, je pense, c'est difficile pour Laurent Lessard, le ministre des Transports. C'est notre troisième ministre des Transports au gouvernement. Patrick, est-ce que ça va bientôt nous en prendre un quatrième? Je pense que oui. Cependant, le grand remaniement que M. Couillard prépare en ce moment, c'est pour le mois de janvier. Donc, ce qui le sauve, en fait, c'est qu'il y a un remaniement qui s'en vient en janvier. Là, le problème, c'est qu'il y a des révélations sur M. Lessard à tous les jours. Ben oui. Et pas uniquement par le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Jean-Marc Même Fournier, la presse en a rajouté cette semaine. Jean-Marc Donc, Fournier. Donc, M. Lessard qui est complètement sur la défensive, là, depuis 3 semaines, et je dirais encore pire cette semaine. Jean-Marc Fournier, le leader parlementaire du Parti libéral, qui a pris sa défense. On remarquera que ce n'est pas le premier ministre qui a pris sa défense. Et Jean-Marc Fournier qui disait, écoutez, il y a de l'acharnement de la part des médias, il y a de l'acharnement de la part des partis d'opposition. Et le ministre Lessard, qui a défendu son intégrité, a dit un peu la même chose en disant, il y a 2 mois, j'étais pas ministre des Transports. Et curieusement, ça fait plusieurs années que je fais de la politique. On m'a jamais rien reproché. Alors pourquoi ça tombe aujourd'hui? Les médias font leur travail. Ouais. M. Couillard refuse de commenter le dossier maintenant. Il dit que le dossier est clos. Mais je comprends tout à fait M. Fournier de défendre son ministre, son député. Je veux dire, eux, ça leur fait pas plaisir là, que toute la question de l'éthique revienne à tous les jours sur les bancs de l'Assemblée nationale. Ça donne vraiment beaucoup de munitions à la CAQ, à Québec solidaire et au Parti québécois. Donc, des révélations, rappelons-le tranquillement, hein, sur... Les subventions obtenues par les organismes OSBL de sa femme pour des constructions de logements. On parle de 13 millions de dollars et tous les liens avec les gens de son ancien cabinet. Oui, curieusement, donc, il est vraiment sous pression sur toute la ligne. Depuis que le ministre Lessard n'est plus aux affaires municipales, curieusement, cette entreprise de Thetford Mines a commencé à réduire ses projets, reçoit moins de subventions. Mais bon, c'est peut-être qu'une coïncidence. Pour le moment, M. Couillard donc réitère sa pleine confiance en M. Lessard. C'est à surveiller de très près parce que c'est pas clair qu'il va se rendre au remaniement de M. janvier pour M. Lessard. Donc, toujours sur la défensive, à surveiller de très près la semaine prochaine. Oui, on surveille ça de près à Québec parce qu'on a besoin d'un ministre des Transports pour nous parler du troisième lien et des problèmes de congestion que l'on commence à connaître ici aussi. Dernier sujet, Patrick, on était curieux de savoir ce que Gabriel Nadeau-Dubois et Jean-Martin Hossan avaient nous proposé comme projet politique. Ils nous arrivent avec une grande consultation publique qu'ils appellent « Faut qu'on se parle ». Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est intéressant comme initiative? Oui, dans la mesure où on peut pas être contre la vertu. C'est vrai qu'il y a un cul-de-sac politique au Québec en ce moment. Il n'y a aucun projet de société inspirant. Donc, l'idée à la base n'est pas une mauvaise idée. Donc, initiative politique qui se dit non partisane, des assemblées de cuisine, des consultations publiques pour un peu tâter le pouls, mais on comprend aussi quand même qu'on tâte le pouls des indépendantistes. Ben c'est ça. Les gens qui sont à gauche aussi. Ils invitent toutes les personnes, peu importe leurs opinions politiques, ils se disent eux-mêmes apolitiques, mais en même temps, les cinq personnalités qui se sont rassemblées sont à la fois indépendantistes et progressistes. On se demande maintenant quel est l'objectif derrière ça. Le premier objectif, il est louable, comme tu le mentionnes, c'est d'aller demander aux Québécois ce qu'ils veulent comme pour l'avenir du Québec. Maintenant, cette démarche-là s'apparente quand même à celle de personnes qui voudraient peut-être fonder un parti politique éventuellement. Oui, mais ils l'ont laissé entendre de façon claire. Ce n'est pas le plan de match en ce moment. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens au Québec en ce moment qui préparent l'après-PQ, qui appréhendent en 2018 un gouvernement minoritaire, libéral ou caquiste. Peu importe qui va gagner à Lévis la semaine prochaine comme chef du Parti québécois, que ce soit M. Lisée ou M. Cloutier. Donc, je pense qu'on prépare vraiment le post 2018, une espèce d'ère politique où le PQ emmènera pas trop large, selon eux, évidemment. Et dans un contexte comme ça, ben, M. Ossant, qui est très charismatique, très apprécié, Gabriel Nadeau-Dubois également connu lors du printemps érable de 2012, alors eux se positionnent, éventuellement peut-être pour créer un parti politique de gauche, un peu plus radical, que le PQ, parce que le PQ est très, très à droite en ce moment. Ouais. Donc, ça déplaît à beaucoup de militants, le PQ qui met pas trop la pédale au fond pour la souveraineté également. Mais je pense que on prépare tranquillement la création d'un parti politique, bien que M. Ossant, ça a été révélé cette semaine, il a repris sa carte du PQ, sa carte de membre, il y a quelques mois. Ah bon. Donc, ton analyse, en fin de compte, c'est qu'on table sur le fait que dans deux ans, aux élections, probablement que le Parti libéral pourrait être réélu. Il souhaite que ce soit un gouvernement minoritaire. Et on prépare carrément l'élection dans six ans, où on aimerait rassembler les forces progressistes, soit autour d'un nouveau parti politique, ou autour d'un projet rassembleur. C'est un peu l'analyse que tu fais. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le Parti québécois ne pourra pas vraiment survivre très longtemps si une implosion qui se fait à la suite de la course au leadership, si on ne réussit pas à aller avoir un gouvernement minoritaire pour l'élection de 2018, au moins pour mettre fin au règne libéral qui dure depuis 2003, mais si on oublie l'intermède de 2012-2013 avec Mme Marois. Donc, ce camp-là, oui, ces gens-là se préparent à une ère post-PQ à partir de 2018, et ils ont quand même laissé entendre très clairement qu'ils pourraient, le processus pourrait mener éventuellement à un nouveau parti politique au Québec. Ça ferait du sens. En tout cas, on risque de les entendre, ces gens-là, dans les médias, parce qu'ils font la tournée du Québec. Ils s'en viennent chez nous, dans la capitale nationale, le 11 octobre, au Musée de la civilisation. Pas fini d'en parler, certainement, de Jean-Martin Ossant, Gabriel Nadeau-Dubois et leur nouvelle option politique. Patrick White, tu nous en parlais aujourd'hui. Un gros merci d'avoir été là. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. À bientôt. Et l'émission On refait la une se conclut ainsi. Je remercie Solange Drouin, directrice générale de la DISC, qui était là pour une discussion fort intéressante sur les grands enjeux présentement qui concernent l'industrie de la musique. Et certainement, le modèle d'affaires des sites de streaming leur fait mal, mais clairement, c'est une industrie qui est appelée aussi à évoluer, à se moderniser, et peut-être, je posais la question à Madame Drouin, peut-être à remettre en question certains intermédiaires, parce que présentement, du créateur jusqu'au consommateur, il y a pas mal de personnes qui mettent leur nez dans le travail des artistes, et ça commence à faire beaucoup quand on sait qu'avec le numérique, les artistes peuvent s'autoproduire, s'autofinancer bien plus facilement. Discussion fort intéressante, et si vous avez manqué ça, retrouvez-nous en balado-diffusion. Bonne fin de semaine tout le monde, à lundi. Midi Jazz s'en vient. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Hey, merci. Tu peux-tu arrêter de filmer Chris, ce tabarnak? Des fois, il y a du monde qui font pas mon affaire. T'sais. Avant ça, moi, là, j'y ai collé ça une volée. T'sais. À ça, je peux plus faire ça. Écarté, un film de Laurence Côté-Collins. À l'affiche au cinéma Le Clap dès le 30 septembre. Tu aimes pas ça, là? Mais non.